Document 3, page 82. Je peux vous aider, madame ? Peut-être, je ne trouve jamais ce que je veux. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche un ensemble chic et assez léger. Ce n'est plus la saison, je sais, mais vous en avez encore ? Bien sûr, madame, nous en avons encore beaucoup. Vous faites quelle taille ? 40. Voilà, j'ai une veste et un pantalon en soie très habillé. Ça me plaît beaucoup, je vais les essayer. La cabine est à droite, madame, je vous en prie. Il y a quelqu'un dans la cabine. Elle est fermée ? Non, non, il n'y a personne. Vous pouvez entrer. Alors, ça va ? Non, le pantalon est trop serré. Je crois que j'ai un peu grossi et le 40 ne me va plus. Vous avez du 42 ? Pas de problème, j'en ai. Et la veste, elle vous va bien ? Oui, mais je voudrais l'essayer avec un foulard. Il y en a toujours un dans la cabine. Ah bon ? Je ne vois rien. Alors quelqu'un l'a volé.